Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. N'écoutant que mon courage, hein, voilà, parce qu'en plus je suis courageux, je vais m'interposer, me mettre sur leur chemin en fin de compte, hein, voilà, avec ma carrure et les bras croisés. Moi je veux me faire discret pendant qu'ils... Voilà, mais c'est ça, faites votre truc je vais braquer moi avec mon fusil. Sur le tour du bâtiment pour arriver de l'autre côté. En cavalant un peu avec mon petit pistolet laser. Je pense qu'on a l'habitude de travailler ensemble et ils savent que bah voilà, moi je m'expose et puis eux ils me couvrent. Ouais, enfin moi aussi je peux m'exposer. Tu le ferais quand même. Voilà. Oui, mais. En fait, moi je pointe les autres pour éviter que ça vienne à tirer sur mon camarade. Voilà, moi j'ai les trois en fin de compte, bah, je me mets sur. Sur leur chemin, comme dit, hein, les bras croisés en fait. Hein, vous allez où comme ça? Bah écoute, quand tu les interpelles, il y en a un qui bondit un petit peu sur le côté en lâchant un espèce de cri suraigu. Et les autres vous regardent un petit peu étonnés avant de pointer leur blaster dans votre direction. Et de hurler à manger. Et messieurs, il va vous falloir faire un test de tactique. Le tir. Ok. Tactique. Pique gauche. On fait tous tactique, c'est ça? Alors, vous avez le choix. Ou bien vous faites chacun un test de tactique. Ou bien vous décidez de vous rallier à celui qui est le plus fin tacticien d'entre vous. Moi j'ai 5 en tactique. Alors c'est où la tactique? Je m'en rappelle même plus. C'est dans sang-froid. Sang-froid. C'est le dernier de sang-froid. Moi j'ai 5 aussi, ouais. Bah écoute, sinon moi je me rallie à notre chef d'intérim. Au Bosco. Au Bosco quoi. Ok. C'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, il est pas très bon le chef. Hein. Donc ça vous fait une initiative de 0. Cette chaleur. En fait, il avait rien prévu. Il s'était juste mis comme ça. Ah bah ouais. Hein. Ah, il fallait faire bon. Une tactique, les gars. il voulait vraiment leur dire bon, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu ce qui se passe dans l'immédiat. Donc t'es un peu pris de court en fait, puisqu'ils prennent même pas le temps d'échanger quelques mots. Voilà, très bien, regarde. 1, 2 et 3. Ça va, ils sont plutôt autre. Mauvais, c'est bien. Ouais. Heureusement. Ils lâchent tous les trois des salves un peu dans toutes les directions, ce qui a pour effet principal de créer encore plus de panique. Donc vous avez encore plus d'autochtones qui se mettent à courir en toutes les directions et par la même occasion ils arrivent à en abattre deux totalement aléatoirement. Moi je tire sur les gars. Hein. Et donc suite à cette effervescence de violence, donc c'est à vous. Comme vous jouez tous en même temps, vous pouvez choisir exactement dans l'ordre dans lequel vous décidez d'agir. Al, toi, tu as commencé à contourner. C'est qu'à la fin de ce tour où tu seras derrière dans l'ordre. Si tu fais comme bouger, tu seras là, dans l'ordre à la fin du tour. Bah vas-y, belette. Ah bah moi je suis dans mon rôle de fusilier et donc je tire. Alors on est d'accord dans ce que c'est donc c'est quoi ces armes c'est lourdes arme de poing, arme d'épaule ou arme de poing. Je crois pour toi. Ouais. Je pense c'est arme d'épaule. Arme fusil, c'est arme d'épaule. Arme d'épaule, ouais, arme d'épaule. Alors allons-y. C'est un pistolet, c'est arme de poing. C'est ça. Ouais. Ouh. Oh. Bah, je suis un fusilier de l'Empire Galactique, faut pas déconner quand même. Non, maintenant tu n'es plus de l'Empire Galactique. Oui, enfin j'étais, j'ai appris la base. Arrêtez de dire ça, hein. Non, tu fais partie de l'équipage du Kraken armé. J'étais un fusilier. Par rapport à la situation, donc normalement quand on est en situation de combat normal au tir, la difficulté de base est de 4, c'est-à-dire qu'il faut faire 4 succès pour toucher. Ok. Bon, donc c'est... Les 4 sont réduits à 0 auxquels on ajoute les dégâts de l'arme. Dans le cas actuel, vu que vous êtes en tout petit espace, t'es considéré sur une portée beaucoup plus courte. Donc là, t'avais seulement une difficulté de 2 à atteindre. Ok. Donc ce qui veut dire que tu prends les dégâts de ton arme. Donc tu vas dans ton équipement. Tu regardes les dégâts de ton arme, ton fusil laser. Fusil laser. Donc ça fait combien de dégâts un fusil laser ? 2 dégâts. Okay. Ça, hein. Donc, il y a une lettre avec quoi? Pardon? Ça, il y a une lettre avec. Bah, je vois dégâts 2G. Voilà. Okay. Ah bah c'est voilà. 2G. Il y a une lettre avec le 2. Ok. Donc en fait, comme tu as uniquement une difficulté de 2, donc mm-hmm. tu as fait 4 succès, donc il y a 2 dégâts que tu annules puisque c'est pour te permettre de toucher, et tu en as 2 excédentaires que tu rajoutes aux dégâts de ton fusil laser, ce qui te fait un total de 4G. D'accord, 4G. Ok. Donc G, c'est quand tu regardes juste au-dessus, t'as ton niveau de santé à toi. Avec indemne, blessé léger, blessé grave et mort. Attends. Juste au-dessus de équipement, t'as ton niveau de santé. Ta santé un avec... Un gros pavé, indemne, blessé... Indemne, blessé léger, blessé grave et mort. Coche. T'as 8, toi t'as... Je vois pas de... Je vois l'équipement. Oui, j'ai pas scrollé. Attendez, c'est la première fois que je joue avec les scrolls. Donc... oui, indemne, blessé, ouais. Okay. Ben. Donc, comme t'as une arme qui fait des dégâts en G, ça veut dire que toi tu infliges directement des blessures graves. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Okay. Donc voilà. Donc ensuite, pour passer au tiers du dessus, enfin voilà, au cran du dessous plutôt. Faut vider la barre précédente avec une arme qui fait tel type de dégâts pour passer au suivant. Exactement. Mmh. D'accord. Et on a des armes, certaines armes qui font des dégâts directement à mortel. Donc en gros, tu as quand même déjà bien fait mal, quoi. Avec 4 dégâts graves. 4 dégâts graves. Alors, un dégât grave, hein. Le grave, je vous rappelle, c'est t'as les boyaux qui sortent du bidon. Donc généralement, ça suffit pour immobiliser, mettre hors combat un adversaire. Voilà. Le seul moyen de continuer à agir quand on est blessé grave, c'est de dépenser du Metal Factor. D'accord. Voilà. Eh bien, il est bien mon fusil laser. Oui, tu es un fusilier du Kraken affamé, c'est normal. Ça. Du coup, je fais 4 dégâts graves. Voilà, donc maintenant, si les ennemis sont équipés d'armure, toi par exemple, Boulette, et il me semble que vous avez tous plus ou moins une armure, je suis pas certain, mais toi tu as une armure, par exemple, tu as un plastron blindé. Oui. Et voilà, juste en dessous, donc plastron blindé, il y a écrit entre parenthèses le score de 2. Ok. Oui. Donc ça veut dire que il réduit de 2 la lettre des dégâts que tu subis. Par exemple, si toi t'avais pris un coup de fusil, ça ne t'aurait pas fait des dégâts graves, donc ça ne t'aurait pas fait des dégâts légers, ça t'aurait fait des dégâts indemnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ça diminue la puissance du dégât en fait. Exactement. Mm. Ok, d'accord. Exactement. Donc en gros, on peut pas lui faire de dégâts légers. Je veux dire, moi avec mon pistolet, je vois que j'ai 2 L, je peux rien lui faire en gros. Tu vas taper dans l'indemne automatiquement. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, une fois que t'auras tout rempli, ça va augmenter automatiquement à la barre du dessus. Oui, ok, donc tu fais quand même tu fais un indemne minimum. Tu peux pas annuler complètement de dégâts. Okay. Ok, ça marche. Sauf si on parle de dégâts superficiels, mais c'est des cas un petit peu rares, c'est par contre tu vas mettre des claques. Un type en armure de combat. Donc c'est un truc de protection 3, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Ok. Je vais les brécher ton armure avec ma main. Voilà. au couteau à beurre, tartineur, voilà, sur la plaque complète. Je vais te tartiner la tronche. Donc écoute, avec ton tir de fusil laser, le pierre qui était au milieu de la scène, celui qui tenait l'enfant par le bras, il s'effondre totalement sur le sol, en commençant à déglutir. Donc c'est au choix, ou bien à Bart, ou bien à Al. Bah vas-y, je vais choisir qui tu donnes l'initiative. Je vais en premier, parce que j'étais un peu plus proche, un peu plus prêt à intervenir que... Ça me va. Toi qui est juste intervenu tel quel. Donc il y en a un qui est sur le... Donc il y en a un qui est sur l'estrade, qui est en train de déglutir ce qui vient de se manger une salve de fusil. Il y en a un qui est devant Bart. Et le troisième, je sais plus. Bah il est pas très loin, je crois. Hein. Alors il y en a un, bah il est sur l'estrade. Il y en a deuxième, il y en a deux sur l'estrade, c'est ce qui me semblait. Voilà, deux sur l'estrade, un petit peu loin. Celui qui était le plus proche de Bart, c'était celui qui tenait l'enfant, il s'est fait atomiser en partie par Belette. Et toi, donc t'es sur le côté, t'es à mi-chemin pour leur arriver dans le dos. Je crois que je suis pas particulièrement très très discret. Je vais m'avancer. Non, je sais pas si y a un truc pour discrétion, mais je crois que j'ai rien dedans. Je me suis pensé que je suis mauvais dedans. C'est dans quoi déjà? Agilité, perception, sang-froid peut-être? La discrétion, c'est leur perception. Perception, putain, j'arrive pas à le trouver. Non, j'ai rien, donc je serai pas discret. Je prends position du coup dans leur dos et essayer d'en shooter un des deux. Celui qui a l'air le plus massif des deux. Ok. Avec mon petit pistolet piou-piou. Ok. Tu. Donc là, t'es sur le côté. Donc tu peux ou décider de tirer de là où tu es, parce que t'as le champ de vision. Ou bien tu peux faire une action simple pour encore un peu plus te déplacer et après tirer, ça changera pas grand chose, c'est juste pour te positionner. Non, je tire directement pour essayer de mettre le plus de bordel. Il se fait tirer dessus de deux côtés différents, il y en a déjà un qui est au tapis. Allez, de la même manière, donc la difficulté va être de 2 par rapport à la scène et au fait que vous êtes un peu les uns sur les autres. Du coup, ça fait 3 succès, mon tir d'arme de points. Donc, ce sont des dégâts légers. 2 dégâts légers pour ma part. Donc en comptant le succès supplémentaire, ça fait 3 dégâts légers. Voilà, très bien. Bah écoute, tu envoies un tir au pistolet laser sur un des pierres qui se trouve sur l'estrade, qui fait un petit mouvement de côté, lâche un vieux grognement de douleur avec un petit peu de bave. Et c'est à Bart. Alors, le troisième, est-ce qu'il est assez proche en fait pour que je l'attaque avec mon sabre? Il n'est pas assez proche pour que tu l'attaques avec ton sabre. Ce que tu peux faire, en tout cas en direct, tu peux faire un mouvement de charge. Bah ouais, c'est ça. Hein, donc, je vais faire un grand mouvement en fin de compte hein, pour pousser les manteaux qu'on avait pris, hein, les vêtements assez larges en fait. Hein. Je vais dégainer mon sabre. Avec la main gauche, justement, hein, ce qui est une particularité de Bart le Noir. Hein, et il va briller finalement au soleil, hein, et je vais le charger. Toujours la classe, hein, Bart. Même quand il se bat, il essaye de. Toujours en palache. Ah ouais, c'est toujours. Entouré par un petit tourbillon de sable. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Allez. C'est pour impressionner la populace. Quel est donc cet homme? À faire un test de mêlée. Alors, mêlée. Hop, ici. Donc tu auras une difficulté de 3. Ah ben je fais 3. C'est parfait. Et c'est 2G, mon sabre, du coup. Exactement. Non, G, non, c'est G, pas 2G, G. Ouais. C'est par rapport à... Normalement, tu l'as inscrit en fonction de ta carrure. Non, bouge pas, en carrure t'as 3, donc tu dois faire 2G. D'accord, ok. Bah, je vais corriger ça. C'est dépendant de la carrure. Il me semble que ça doit être ça. Bien écoute, tu vas transpercer ton adversaire qui va tomber à genoux. Ah. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, j'ai des éclairs un peu partout autour de moi, c'est pour ça. Ah d'accord. Déjà du combat. Éliminé du combat. C'est ça, le réseau bouille en PLS depuis fin août. Ouais. Non, mais je comprends, hein, quand je dégaine, tout de suite ça fait des éclairs, tu vois. C'est... Par le pouvoir du crâne bolt. Ancestral! Lightning Bolt! Alors que tu viens de transpercer le flanc de ton adversaire, le pierre qui se trouvait sur l'estrade à côté, donc qui avait déjà été blessé par Al, sort un poignard. Et je vais te demander de faire un test de mêlée pour te défendre. Ok. Donc, normalement, dans les règles de l'art, c'est des boîtes de dés qui sont lancées les uns avec les autres en opposition. Ouais. Voilà, pour faire plus simple et pour aller plus vite. Moi, j'ai des moyennes et des petits scores à peu près basiques. Voilà. Tu fais un seul jet et ça fait l'ensemble de l'échange. Ce qui fait que là, par exemple, tu t'as défendu, ce qui te permet d'infliger exactement des dégâts à 0, donc à 2, aussi à l'autre. Donc il essaye de t'empaler, mais t'es plus fort que lui. Et donc dans la passe d'armes, c'est toi qui vas remporter la passe. Donc encore une fois, tu vas le blesser. Donc je te laisse le soin de décrire cette merveilleuse scène. Il va bondir vers moi avec son poignard, en fait, hein, que je vais facilement repousser avec mon sabre. Hein. Je vais faire un pas de côté, une feinte, hein, et je vais venir lui trancher le flanc avec mon sabre. Bah écoute, en regardant ses boyaux, il s'effondre à genoux en disant « Passez-moi la mayonnaise !» et il tombe sur le sol. Après un petit moment de chaos qui commence à doucement se tasser, la plupart des nomades autour de vous vous observent, l'air plutôt inquiet, ne sachant trop si vous-même vous allez prendre la place des esclavagistes ou pas. Donc pour l'instant, les gens sont plutôt éloignés, les enfants sont toujours prostrés à moitié sur l'estrade. Les villageois, eux, ils se sont relativement écartés en attendant de voir ce qui se passe. Les pierres sont pas morts. Ils sont en train plus ou moins d'agoniser en fonction de leurs blessures, mais ils sont pas morts. Moi, je vais arriver sur celui que j'avais touché. Il est mort. Hein. Enfin, je me dis qu'ils sont pas morts, mais en fait, je voulais juste le finir, quoi. Genre, bah. S'il y en a un qui... Enfin, en gros, s'il y en a un qui toujours a envie, je lui mets une balle, enfin, un coup de laser, pour l'achever, quoi, tu vois. Et, bah, écoute, t'achèves un premier pillard. Visiblement, les autochtones semblent tout aussi terrorisés de voir ce qui est en train de se passer. Et non, je lui dis... Je m'approche de Belek quand je vois qu'il fait ça, je range mon flingue avec une petite pirouette, genre... J'ai la classe, mais c'est dommage. Bah voilà, tu pourrais quand même attendre qu'on ramène les enfants ailleurs, merde! Écoute, ils voulaient nous bouffer, les salauds! Essuyer le sang sur mon sabre, le ranger, et j'ai enlevé ma capuche, en fait, hein, je vais m'adresser à la foule, je vais faire « N'ayez crainte, l'équipage du Kraken affamé est là, et tant que nous serons là, nous vous protégerons. » De ces raclures. Comment se foutre encore plus dans la merde. C'est une spécialité. Bon, qui parle, du coup, je profite pour m'approcher des gamins. Alors, je sais pas s'ils sont attachés ou pas. Si c'est le cas, je les délie. Et je leur fais gentiment pour les envoyer vers le reste de la population. Très bien. Bah, ils attendent pas plus pour sauter de l'estrade et partir en courant vers des adultes. Qui doivent très certainement être leurs parents ou des gens de leur famille. Ouais. Oui. Non, je dis juste qu'au même moment que Bart finit son discours, je finissais d'achever le deuxième. Celui qui était. Bah non, mais tu peux attendre que j'ai fini mon discours. Je vais même pas poser de questions, merde. Voilà, c'est bon, hein. On les protège, hein. C'était pas ma question. Aussi. Les autochtones semblent relativement effrayé d'une certaine manière par rapport à votre attitude. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu es en train d'achever tout le monde. Alors, pour rappel, c'est pas très code d'honneur quand même, hein, d'achever les blessés. Bah non. Ah, je sais pas, non, j'avoue que j'ai pas pensé à ça, pour être ça, c'est ces gens de l'Empire Galactique, hein, franchement. Ouais. C'est des restes. C'est pas très honorable comme attitude. Ça manque de panache. Oh. Bah, je vais lui dire. Ouais. Ligote le troisième, là. Et je lui remets les boyaux dedans ou pas? Et comme dit, je vais essayer d'apaiser la population en leur parlant, hein. Voilà. Ok, je vais faire preuve de tout mon charisme, de toute mon éloquence, hein, pour calmer les autochtones. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire de plus? Bah, répétez ce que je dis, que voilà, on leur veut aucun mal, qu'on n'est pas là pour les capturer, pour les mettre en esclavage ou quoi que ce soit. Hein, Allez, bah écoute, sur ce, je te laisse effectivement faire preuve de sincérité et d'éloquence avec un petit test. 5 succès. Tant plus que des 5. Je suis avec toi, chef. suite à ton discours, écoute, là, visiblement, les autochtones semblent se calmer, ou en tout cas, certains visages se tournent dans la foule, et vous voyez s'extirper de la masse une jeune femme qui s'approche vers vous. Donc, elle a le visage dévoilé, elle a des yeux bruns, et elle est habillée avec des vêtements, un chèche plutôt sur une couleur un peu bleu nuit, bleu violacé. Alors qu'elle s'approche, elle donne quelques indications dans une langue qui vous est totalement inconnue à d'autres membres de sa communauté et indique de la main le pillard que vous étiez plus ou moins en train de ligoter. Elle s'approche de vous. Ouais, je... Bonjour. Barthe le Noir, enchanté. Et je vais lui faire une révérence et lui faire le baise-main. Alors, tu fais une révérence, tu lui fais une sorte de baise-main, elle ne sait pas trop ce que tu lui fais, donc elle bouge pas trop, elle attend un petit peu intriguée plus qu'autre chose. Bonjour, étranger. Alors, elle parle à un galactique, une langue commun plutôt bien. Je suis Inaya, c'est moi qui suis à la tête de cette communauté, normalement nomade, puisque vous avez insisté sur le fait de ne pas nous faire de mal, je présume que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous offrions les soins aux derniers blessés, encore en vie. Je vous en prie. Donc bah voilà, comme elle l'avait indiqué, il y a certaines personnes qui se rapprochent, qui commencent à le soigner, tout simplement à faire en sorte qu'il arrête de se vider de son sang et à lui remettre ses petits boyaux à l'intérieur du bidou. Elle s'incline un petit peu et te remercie pour cette intervention inespérée. Cependant, elle l'exprime assez rapidement le fait qu'elle craint. Maintenant avec ce qui vient de se passer que ça n'ait peut-être attiré l'attention elle te demande du coup quelle est la raison de votre venue sur cette planète oubliée de tous sauf des pillards. Bien, en tout cas, merci déjà à vous de me permettre de poser mes yeux sur votre magnifique visage. Je me fais spalm au travers de mon casque. Pour une cargaison, c'est ça, hein, c'est ça. Nous sommes là pour marchander. Une cargaison d'artefacts. Ici, nous n'avons rien à marchander. Nous ne faisons qu'extraire hein, que des quelques épices et faible minerai des sols que nous trouvons. Mais avec qui devez-vous marchander? On a un nom ou quelque chose comme ça? Rien du tout. Il y avait juste la zone dans laquelle il y avait le lieu de rencontre, qui est la zone où vous êtes. Nous avons juste l'endroit où nous devions trouver notre commanditaire. Et c'est ici, a priori. Elle est un peu étonnée, et puis elle dit si c'est ici que vous deviez avoir rendez-vous, malheureusement pour nous, c'était certainement avec les pillards que vous avez vaincus précédemment. Il n'y a que par ici. Je me tourne vers Al et Belette. Il a peut-être quelque chose à nous dire. Je gueule. Ils ont pas un endroit là dans le secteur où ils rangent des trucs ou des jets machins là, enfin des. Est-ce que les pillards ont un pied à terre par ici? Plus qu'un pied à terre, les pillards nous ont obligés à travailler dans une mine non loin d'ici. Une mine. Normalement, cela fait déjà plusieurs semaines que nous aurions dû quitter le village portuaire de Sbeitla. Mais nous sommes obligés de rester. Il y a encore 20 personnes prisonnières de la mine et nous ne pouvons pas les abandonner à leur sort. Combien de pillards ? Je ne suis pas sûr. Peut-être une demi-douzaine. Mais il y en a beaucoup plus qui viennent du ciel. Ouais, bon. On va déjà s'occuper de ceux qui sont à terre. Si vous nous aidez à libérer nos familles, nous vous en serions grandement reconnaissants. Mais évidemment, je ne pourrais jamais laisser une dame telle que vous dans le besoin. Elle te remercie et pareil, donne quelques indications aux gens derrière elle qui vont rapidement apporter de grands vêtements amples qui déjà ont l'air d'être plus efficaces que vos grandes vestes contre la chaleur. Il vous amène aussi de grandes outres d'eau. Ah, ça fait du bien, ouais. J'imagine qu'on doit avoir la gorge sèche quand même. Un petit peu. Dites-moi, les pillards, ils se déplacent comment ? Par ici ? Ils ont de grands vaisseaux, de grands vaisseaux aériens. Mais les trois qui étaient là, ils sont arrivés comment ? Par un vaisseau. Ils étaient là à pied. De toute façon, ouais. ils laissent toujours quelques pillards en ville afin de s'assurer que nous ne quittions pas la ville. D'accord. Vu que ceux-ci sont arrivés il y a 2 jours, je pense qu'on ne devrait pas en voir arriver ici avant encore 5 ou 6 jours. C'est parfait, ça. Je crois qu'on a une mine à aller visiter. Ouais. Elle est loin. Vous y rendre, vous serez obligé de vous déplacer à dos de Porpod. Et donc, c'est quoi ça, C'est l'espèce de créature qui ressemble à des gros sangliers cailleux à 6 yeux. J'ai jamais essayé. Ce sera l'occasion. Ce sera amusant. Donc vous allez être, on va vous indiquer plus ou moins précisément le site de fouille. Sans aucune complexité, vous arriverez à le retrouver puisque il y a une énorme zone d'excavation. Donc c'est un gros trou dans le sol à plusieurs kilomètres de là où vous êtes. Il va vous falloir une grosse demi-journée à d'autres porpodes pour vous y rendre. Donc vous avez le choix, ou bien sous un soleil de plomb. Donc il va faire très chaud, ou bien la nuit. Et comme dans toutes les zones très désertiques, la nuit il fait très froid. Donc c'est l'unique choix. Soit on caille, soit on a chaud. Ouais. Soit vous brûlez, soit vous congelez. Après, sans parler des conditions climatiques, ce serait peut-être mieux qu'on y arrive de nuit, je sais pas. Ils ont quand même une douzaine d'otages, là, donc enfin même une vingtaine. On va pas rentrer à l'enfoncer dedans. Ouais, j'avoue. On sait pas tant combien ils sont non plus sur place, quoi. Donc, Bah, une petite douzaine, enfin une douzaine, après, enfin une demi-douzaine, donc... voilà, six. Bon, six... voilà, je pense que ça nous fait pas peur. Enfin, en tout cas, moi, non. J'ai déjà dû avoir des chances assez aussi pourries, mais... On est déjà passé par pire. Ouais. Tu te souviens quand on était sur cette planète-là, hein, et qu'on a dû se défaire de ces pillards? On n'était ouais, pas mieux équipés. C'était plus facile. C'est vrai. Mais on n'était pas forcément mieux équipés. Puis ils ont l'air nuls. S'ils n'ont pas entraîné, ils n'ont même pas réussi à toucher alors qu'ils étaient deux à te tirer dessus. C'est toujours difficile de me toucher, tu le sais. Ouais. Tu les as illuminés, c'est ça? Comme toujours. Ah là là. Bah écoutez, si il faut prendre une demi-journée pour y aller et que vous voulez y aller la nuit, autant qu'on se pose un petit peu et qu'on profite de l'hospitalité. Il y a à boire dans le secteur? Vous avez quelque chose à boire? On nous a donné des gourdes. Ouais, mais autre chose que de l'eau. Un truc un peu plus fort, quoi. Non, ils ont quelque chose de pas plus pour fort. Le service. Ils te sortent une boisson de couleur orange. Et oui. À l'intérieur de cette boisson, il y a des espèces de dépôts. Un peu gluants. Ça a un goût sucré. Bah, je vais et boire. C'est très hein. Bon. C'est très désaltant. Un peu gluant, mais appétissant. C'est issu de fruits. À boire et à manger, c'est ce qu'on dit, c'est ça? Ouais. C'est issu de fruits. C'est des fruits qui sont tout ronds et qui sont tout oranges. Ils ont une espèce de peau enlevée et en dessous, il y a une espèce de pulpe. C'est des oranges, tout simplement. D'accord. Mais vous ne connaissez pas, vous n'en avez jamais vu, donc voilà. Bah ouais, bah oui. C'est très bien avec le rhum, ça. Allez, non, on verra mal, pour en emporter pour quand on partira. On va inventer le rhum orange. Ah, c'est pas mauvais, ça. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont à offrir. Donc, c'est un peuple qui est complètement pacifique. Mmh. Et c'est un peuple nomade. Donc, voilà, ils cultivent... dans les différentes villes dans lesquelles ils se déplacent. Donc ils cultivent des sortes d'épices qui poussent dans le sable et ils creusent, mais de manière vraiment très sommaire, certains endroits de roche pour extraire des minéraux afin de pouvoir entretenir leurs outils. Et après ils se déplacent avec des troupeaux de porpoises. D'accord. Qu'ils élèvent à la fois pour se nourrir, pour récupérer du lait, faire des sortes de fromages aussi. Et beaucoup de fruits et de végétaux qui sont issus de leur planète. Donc un peu de désert, des fois il y a des zones aussi en bord d'océan. Et c'est tout. Voilà, ils se déplacent, oui, en fait, c'est une pleine communauté qui se déplace tout simplement. Je dirais qu'en attendant justement, peut-être pas partir de nuit, mais voilà, en fin de journée, pour dire d'arriver là-bas la nuit justement... Moi, j'ai demandé à Inaya justement qu'elle me parle de son peuple et tout ça, machin truc. Et clairement, bon, je vais essayer de la séduire. Hein, ok. Parce qu'on a une réputation à tenir. Hein. Ah. Bah, elle se montre pas particulièrement hostile à ta séduction, parce que déjà, voir des étrangers, ça court pas les rues, donc il y a forcément le côté exotisme et mystère. Et puis en plus de ça, vous êtes montré sympathique et vous les avez sauvés. Donc après, ça va pas. Vous allez flirter. Mmh. Ce que tu peux apprendre de plus par rapport à son peuple. Donc c'est en fait leur rythme de déplacement, ça suit exactement les déplacements des organismes vivants en fait qui se trouvent sur la planète pour collecter les épices et travailler les métaux. Mmh. Depuis maintenant deux générations, deux ou trois générations, ils ont réappris à réparer les vaisseaux spatiaux pour les rafistoler. Et donc, les cimetières de métaux métalliques que vous avez pu sonder depuis l'orbite de la planète. Oula, ça tonne. En fait, ce sont d'anciennes villes, mais qui sont apparemment d'un âge très, très, très ancien. Mmh. Elle se souvient les avoir toujours connus, en fait, ces espèces de cimetières métalliques. Et aussi loin que remontent ses souvenirs et les souvenirs de ses ancêtres, ces cimetières ont toujours été présents. Donc ça veut très certainement dire que ça date d'un autre âge, tout simplement. Ouais, il y a peut-être eu un cataclysme sur la planète qui a changé le climat, peut-être, et du coup, ils ont régressé un peu technologiquement. Oui, c'est une possibilité. Et donc depuis quelques générations, ils ont appris à réparer des vaisseaux, et donc ils ont réussi à recréer des espèces de vaisseaux spatiaux, c'est plutôt des vaisseaux interplanétaires que spatiaux, bon ça reste dans l'espace quoi, assez sommaires, et c'est ce qui leur a permis de rejoindre, notamment de commencer à recoloniser les satellites. Donc les deux satellites, donc la petite lune à l'atmosphère respirable, elle s'appelle Akram, donc il y avait des villes. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont eu en fait la surprise, la très mauvaise surprise en fait, d'être quasiment de suite en fait attrapés et repérés en fait par des pillards qui stationnaient déjà en fait là, tout simplement. Mmh. Et donc les premiers membres de les premiers Didiani en fait qui ont pris des vaisseaux pour essayer de s'extirper, donc de regagner l'espace. Malheureusement, c'est eux qui ont fait venir les esclavagistes sur la planète. Et donc le deuxième petit satellite s'appelle Barkam. Et apparemment, de ce qu'elle a cru comprendre en espionnant les pillards, ce satellite-là servirait de cache au trésor pour leur canne. Alors elle ne sait pas ce que c'est un canne. Une cache au trésor, elle ne comprend pas très bien non plus ce que ça peut être. Mais voilà. Peut-être que okay. Ça vous dit quelque j'ai chose. J'ai les yeux qui brillent, moi, quand t'as dit ça. Ça se voit pas non plus sur le casque, mais oui, pareil. Et les sites de fouilles, elle peut t'apprendre quelque chose, c'est qu'eux, ils ont beaucoup de mysticisme, on va dire, et de croyances par rapport à ces sites-là, puisque c'est des sites qui sont encore une fois de notre temps. Les cimetières de métaux, quand ils vont collecter des parties de vaisseaux, ils ont des rites pour le faire. C'est comme s'ils récupéraient des pièces de créatures ancestrales, un petit peu dans leur façon de faire. Et les sites de fouilles, donc il y a plusieurs sites de fouilles, donc des grosses zones d'esclavation un peu partout sur la planète, et ils s'en approchent jamais. Parce que les quelques fois où il y a certains membres de diverses communautés qui y sont approchés, ils sont jamais revenus. Donc eux, en fait, ils y vont jamais, et ils considèrent que c'est des zones interdites, parce que les anciens leur ont toujours dit que c'était à cause que le fait que leur population se soit retrouvée privée de lien avec l'espace, c'est à cause de ces zones d'excavation. Ok, ça marche. Du coup, est-ce qu'on en profite pas aussi pour interroger le survivant, pour demander un peu combien il y a de comment ils sont équipés, de pillards à la mine, ouais. Ouais, bah ouais. Ils ont tout hasard récupéré une cargaison de reliques protéines. À l'heure actuelle, il est en trop mauvais état pour vous répondre. Il est complètement amorphe. Ok. Les autochtones lui ont donné. Il y avait des choses d'utiles sur eux ou pas du tout? Non. Il n'y a rien qui soit meilleur que ce que vous avez en termes d'utilité. C'est vraiment des pillards, des Barents, comme on peut l'imaginer. Habillés de cuir, en mode Ken le survivant. Donc non, ils ont rien que des armes rafistolées, voilà, des choses assez de facture assez grossière qui sont dangereuses, mais c'est moins intéressant que ce que vous avez. Ok, donc, bah délire, bah, dès qu'on pourra, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ouais, voilà. Hein. Très bien. Bah écoutez, vous allez faire un test d'athlétisme, s'il vous plaît. Athlétisme, ouais. Ok. Un test représente 3 minutes. Il vous faut au total 3 succès. Alors, bah, moi j'en ai fait 2. Donc, il faut que tu refasses un test d'athlétisme. J'ai fait 3. J'ai fait 5. Et j'ai fait 1, donc voilà, je... Donc Bullet et Al, vous arrivez du premier coup, dans la première tentative. C'est un ensemble de tentatives, mais en gros ça vous prend à peu près 3-4 minutes pour arriver à monter sur le dos du porpoise, vous installer sur la selle et ne pas vous casser la tronche. Donc la bestiole est plus ou moins aidante, je dis plus ou moins parce que ça bouge un petit peu, ça se secoue, ça bouge de manière un petit peu surprenante pour vous qui n'avez pas l'habitude. Quant à toi, Bart, bah, la première fois, tu te fais mettre, tu retombes par terre une ou deux fois avant d'y arriver, donc ça te prend juste 2 minutes de plus, quoi. Mais... Ah, elle est capricieuse, celle que j'ai. Bah alors, mon petit Bart, on tient pas sur ses fesses. Autant je vois avec des bêtes sauvages, t'avais l'habitude d'en monter. Ouais. Habituellement, elle se débatte beaucoup moins. C'est parce que c'est une femelle, c'est pour ça. Et bien après 4 heures de traverser à travers le désert, la nuit tombe et vous arrivez sur un site qui ressemble effectivement à une très grande zone d'excavation assez sommaire. Vous avez un énorme trou dans le sol de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Il dispose d'un chemin assez grand pour qu'une dizaine d'hommes puissent se croiser sans se bousculer. Donc ça fait comme un escalier plat en fait qui descend, il n'y a pas de marche. Mm-hmm. Le chemin il descend en suivant les parois, tandis que le trou béant noir en son centre s'enfonce à perte de vue dans le sol, aspirant la lumière. Il y a un grand rail de métal qui se trouve au centre du chemin, qui remonte du puits vers la surface. Juste qu'à ce qui ressemble à une zone de chargement. Donc la zone de chargement, c'est quoi? C'est un terrain plat qui est actuellement occupé par un Atmo 412. Pardon. Donc Atmo 412, ce sont les fameux vaisseaux aériens, un peu de transport. Hein. On peut y mettre, comme vous voyez, plusieurs conteneurs à l'arrière. Donc le véhicule de transport de marchandises de l'OCG. Et à côté donc, de la zone de chargement, il y a une tente. Vous voyez une lumière à l'intérieur et vous distinguez deux silhouettes en train visiblement de parler assez fortement. Pour l'instant, c'est les deux seules personnes qu'on a vues, enfin, c'est les deux seules personnes qu'on distingue, c'est ceux dans la tente. Exactement. À côté de la tente, il y a une Jeep et de l'autre côté de la tente, donc au niveau du puits. Qui descend, il y a un énorme treuil dont la chaîne disparaît dans le gouffre. Les commandes du treuil sont libres. Ok. La nuit est tombée. Donc il y a de la lumière dans la tente qui éclaire deux silhouettes. Et vous avez au niveau de la zone de le chargement plusieurs sortes de lanternes en fait. Hein. Des lanternes électriques qui sont posées mais qui sont éteintes. Il y a un petit peu de vent. Donc suffisamment de sable pour faire du bruit alentour, ce qui fait que quand vous marchez, quand vous parlez doucement, pas à voix basse, mais doucement. C'est couvert, quoi. Voilà. Ouais, voilà. On vous entend pas, on entend le bruit du vent et le sable qui tape un peu partout. Pour vous donner une idée de l'ambiance. Sauf que c'est un trou qui descend, c'est pas une ouverture dans une falaise. Oui. Bah on va s'approcher discrètement, hein. Ouais, moi je te suis. Je garde les mains sur mon fusil si jamais il y a besoin, mais j'avance pas très... Moi, comme je gagne plus de points de style, en fait, quand je dégaine, donc je dégaine pas mon sabre pour l'instant. Comment il se la pète ? Ah, tu faisais pas le fier tout à l'heure sur ton animal, des fois. Le cul par terre, hein ? Justement, si j'étais le cul par terre, j'étais pas sur l'animal. Que dis-tu? Ce que tu dis n'a aucun sens. En vous rapprochant, vous entendez commencer à distinguer les voix des pillards. Ils ont l'air Ils ont l'air sous, mais vraiment ronds comme des queues de peule. Et ils sont en train visiblement de faire une espèce de jeu à boire et à parier sur combien de coups de matraque pourra supporter un des esclaves qui s'appelle Hicham. Ok. Voilà. Et donc ils donnent des scores de plus en plus haut, et pour pouvoir donner un score plus haut, il faut boire. Donc ils sont en train de se bourrer la tête. Et visiblement, le fameux Hicham risque de recevoir apparemment 35 coups de matraque très prochainement. Enfin, quand ce sera leur tour de garde. Ok. Ils sont, par rapport à nous, quand on avance vers eux, genre ils nous tournent le dos, ils sont dans la tente. Dans une tente. T'as une tente fermée. T'as une tente fermée, d'accord. Ouais, parce qu'il y a du vent, en fait, il y a une petite tempête de sable légère. On distingue la silhouette parce qu'il y a la lumière dans la tente, en fait. Ouais, ça fait des ombres à l'intérieur, quoi. Voilà. Exact. Et ils se gênent pas pour parler, pour brailler comme des ânes. Bon, on leur rentre dedans. Bah oui. Enfin, après, j'imagine que ça va être plus du... Les assommes. Voilà, des coups de... C'est pas du tir, c'est un coup de crosse dans la tronche ou... Voilà, c'est ça. Dans la gorge. Comment est-ce que vous y prenez... Il y a l'entrée principale, hein, vous pouvez débouler. Comment est-ce que... Expliquez-moi, par contre. S'ils sont ronds comme des queues de pelle... Ils ont pas l'air très frais, en tout cas. Voilà, donc tu peux avoir l'avantage, la surprise pour débouler et avoir le temps de leur mettre un chien. Ou on fait un peu de bruit à l'extérieur, ce qui les fait sortir, et puis à ce moment-là, on leur tombe dessus. Non, mais t'as dit qu'il y avait des lanternes éteintes, hein. Je veux dire, à un moment, je donne un coup de pied dans une... Oui. Pour que ça fasse du bruit, pour les attirer à l'extérieur. Et puis, c'est pas faux. Nous, on attend sur les côtés. Il y a peu de chances qu'ils s'attendent non plus une attaque en pleine nuit de la part des autochtones. Bah ouais, c'est ça. Ça quelques temps. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, on va... C'est pas mal. Ouais, on va faire ça, en fait. Hein. Faire du bruit à l'extérieur pour les attirer. Et puis nous, on va attendre sur les côtés pour leur tomber dessus. Vous faites du bruit à l'extérieur en vous mettant après sur les côtés. Bah, votre plan fonctionne à merveille. Il y en a les deux qui sortent à la file et ils regardent un petit peu ce qui se passe, et celui qui est devant balance une salve avec une espèce de petit mitrailleur laser dans les airs, histoire de faire de la lumière pour savoir ce qui se passe plus loin. Vous êtes dans leur dos, ils sont en train de regarder partout sauf là où vous êtes. Donc vous avez le choix de ce que vous comptez faire d'eux. Moi j'étais pas. Moi je vais. Un coup de crosse de fusil. Ouais, voilà, dans la nuque. Hein, Ok, donc vous voulez les assommer. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas excessivement difficile puisque là ils sont assis, ils sont sous. Ils s'attendent pas du tout à ce qui se passe, ils n'entendent rien. Mais ça reste quand même, c'est pas comme mettre une claque à quelqu'un, ils font un petit peu de technique. Oui, c'est sûr. Hein. Alors. C'est de la mêlée ? C'est quoi ? Oui, ça va être un test de mêlée. Pour le faire intelligemment. Alors, comment ça se passe ? Les adversaires qui sont considérés comme sans défense, on va dire, voilà, pour pouvoir les toucher, il suffit de faire un G2D TF, donc très facile. C'est-à-dire que tous les scores à partir de 2 sont considérés comme des réussites. Okay ? D'accord. Assommer quelqu'un avec un coup de crosse, c'est pas quelque chose de facile, c'est même quelque chose de très difficile. Donc normalement, très difficile, c'est uniquement les scores de 6 qui sont considérés comme des succès. Donc là, comme il y a un mélange des deux, on va faire tout simplement un test normal. Donc il te suffit, sur un test de mêlée, de faire 2 succès pour assommer une des personnes. Tu peux pas les assommer à la file. Il faut que vous les assommiez en même temps, ou sinon l'autre va pouvoir se retourner. Alors, je sais pas si c'est toi, Al, ou moi qui vais sur le second. Je crois que tu vas probablement être un peu plus carré que moi pour le combat à mêlée. Ok. Oh, ça le fait. Vous leur mettez une énorme claque derrière la tête, sur le côté, peu importe comment vous y prenez. Le fait est qu'ils s'effondrent. Ils s'effondrent dans le sable, en train de baver et d'avaler des petites particules. Vous pouvez les laisser là, vous pouvez les ramener à la table. Non, moi je les ligote, je baïonne celui que moi j'ai assommé. Je vais le baïonner. Ça, ligoter, baïonner, on les met dans la tente. Voilà. Allez, c'est fait. Et puis, alors, on va... Oui, vas-y. À l'intérieur de la tente, il n'y a rien de particulier. Il y a, y a six couchages. Six couchages, il y a un peu d'alcool de mauvaise qualité. Vous voyez divers instruments, des matraques, des fouets. Il y a quelques chargeurs pour leurs armes. Et un énorme boîtier radio. Quand tu dis donc, énorme, c'est comment c'est, ouais, c'est comme les boîtiers radio militaires, si tu veux. Donc, ouais, c'est pas le truc que tu vas prendre dans la main, quoi. S'il faut le prendre à deux mains. Non, si non, tu non, le mets. Ah, t'as une grosse caisse avec ouais, tout ouais, un instrument. Ouais. Donc, c'est une portée. Très certainement, tu peux péter la radio. Avec les ouais, on peut péter la radio, ouais, à la limite. Si tu veux. Ouais, voilà. Hein. Ah, comme ça, on est sûr que si on a un qui nous échappe, il pourra pas appeler du secours. Hein, donc, ouais. C'est détruit. Et puis. Vous trouvez aussi les clés de la Jeep. Ah, c'est bien ça. Bon, on va les prendre, hein, au cas où. Bon, moi là, je tomberai pas. Jamais. Normalement. Enfin bon, on n'a pas d'autres pilotes, mais bon. ok, bah on va se diriger vers le trou. Hein. Donc t'as dit qu'il y avait une chaîne qui descendait, y a un treuil, hein, c'est ça, Un treuil. C'est une espèce d'ascenseur ou un truc comme ça. Donc vous avez le choix. Donc vous pouvez descendre si vous voulez par le treuil, si vous avez envie. Après ça reste surtout un outil de chargement. Sinon en fait comme c'est un puits, c'est un grand puits qui descend et il y a un chemin en fait sur la paroi extérieure du puits. Qui descend en fait, en suivant de manière circulaire, tout simplement. Ça peut être intéressant de descendre par le puits si jamais il y a sur le trajet des pillards. Ouais, on va descendre à pied. Hein. Ouais, je pense. Vous... Très bien. Et rappelez-vous qu'au milieu donc, du chemin qui descend, il y a un gros rail de fer. Oui. Un rail très certainement pour transporter ce qui doit être des wagons, tout simplement. Ouais. Ok. Donc quand vous descendez dans le gouffre. Après, une grosse quinzaine de minutes, donc vous commencez à avoir moins de lumière. Donc j'imagine que vous avez pris quelques lanternes pour vous éclairer. Oui. Voilà, vous allez passer devant des tunnels qui forment des galeries d'extraction de minerais apparemment. Et devant la première galerie, vous pouvez entendre visiblement des personnes qui travaillent, des coups de pioche, des gens qui se font insulter, menacer. Voilà, donc vous entendez des bruits de la première galerie d'extraction. Et le gouffre continue à descendre, donc c'est pas la seule galerie qu'il y a. Oh. Est-ce qu'on passe dans la première galerie histoire de faire le ménage? Disons que là il y a des bruits de voix, donc on va commencer par là. Hein. Bah, je vais jeter un œil déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que tu entends jeter un œil? Bah je vais pencher la tête en fin de compte, regarder là dans ce premier boyau, si on les voit ou pas, ou si on les entend seulement et que le bruit résonne un peu plus loin. Ouais, tu les entends, c'est plus loin. Bon bah on va avancer dans le boyau. Hein. Donc il y a un boyau principal et après il y a des galeries. Donc il y a des bruits un peu partout, on va dire. Cependant, les voix, on va dire des geôliers, elles résonnent pas de partout. Il y a quatre boyaux qui se démarque des autres. Il y a une dizaine de boyaux, il y en a quatre où t'entends des pillards en train d'insulter et de faire claquer les fouets. Bon, on va être déjà dans le premier. Le plus près, celui qui est le plus près de nous. Voilà. Voilà. Bah écoutez, en arrivant, vous avez cinq esclaves, donc des autochtones avec des pioches. Il y a un énorme chariot assez solide et large, avec des harnais magnétiques, donc spécialement utilisés pour déplacer des objets très lourds, sans avoir à forcer. Et donc eux, ils sont en train de casser des morceaux de minerais précieux et donc non raffinés et de charger dans le chariot. Et vous avez un geôlier, un seul pillard qui est en train de les verbement les insulter. Et il a un fouet. Et il s'amuse de temps en temps à les frapper avec son fouet ou il les frappe avec le fouet replié histoire de leur mettre des petites claques. Des fois, il le fait claquer pour leur faire saigner les omoplates. Mais oui. Par rapport à nous, il est placé comment? Il tourne le dos. Je pense qu'il est dos. Probablement, oui. Ouais. Il est sur le côté, mais bon, comme il bouge un petit peu en regardant les esclaves, il s'occupe pas vraiment de ce qui peut arriver du boyau, puisqu'il est censé rien arriver. Vas-y, hein. Un bon coup de crosse, hein. J'avance, je vais avancer discrètement quand même, hein, pour pas, genre, par inadvertance, donner un coup de shoot dans un caillou. Mais essayer de marcher discrètement, et puis dès que je suis à portée, je lui mets un coup dans la tronche. Okay. Donc tu peux faire un test de discrétion. Difficulté 2. Bon, ça c'est pas mon truc, mais on verra. Ah, tu hésites pas, c'est pire, c'est de méta. Hein. Ouais. Non, mais c'est bon, c'est bon. Bah, j'ai le méta de succès quoi, sur 5D. Je peux faire un test de mêlée qui sera considéré comme TF pour le coup. Donc, ce que tu fais. Trop facile. Tu belette quand tu fais ton GD sur ta feuille, juste au-dessus des GD, t'as un truc qui est écrit trop facile. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, tu le sélectionnes. Tu cliques dessus et après tu refais ton test de mêlée. Et après tu penses à le décliquer. TF, trop facile, ok, je refais. Voilà. Tu fais ton test de mêlée et après tu l'enlèveras pour pas qu'il reste cliqué en fait. Ouf. Ça va aller, je pense. Bah écoute, tu l'envoies dans les bras de Morphée. Tu lui déboîtes la mâchoire avec une bonne taloche et il s'effondre sur le sol comme une masse. Il est moi, direct, je vais dire aux esclaves en fin de compte, hein, qui sont là, enfin aux mineurs qui sont là, hein, je vais leur dire chut. Écoute, passe un bruit. Quand tu leur fais signe comme ça, ils font silence, ils font tout silence. Et je leur dis, nous sommes envoyés par... comment il s'appelle déjà Naya. Ouais, nous sommes envoyés par Naya pour vous délivrer. Alors ils comprennent pas vraiment ce que tu leur dis, mais quand tu prononces le nom, visiblement, ça a tendance à les calmer. Il y en a qui étaient un peu sur la retenue. Et du coup, il reste plutôt figé et il vous observe. Bah, on va aller faire le boyau suivant. Enfin, ou vous êtes peut-être déjà parti en avance faire le boyau suivant. Hein. Vous n'êtes peut-être pas forcément. Non, on va rester groupé pour le coup pour éviter. Oui, là, on est groupé. Ça marche. Donc, on va au second boyau et puis on refait le même. Hein. On va faire le même aux quatre en tout cas. Hein. Ok. Bah, écoutez, Le boyau suivant se passe plutôt sans encombre, donc encore une fois un pillard seul. Il y a certains boyaux, il n'y a pas de pillard. Et quand vous arrivez à un moment donné donc au boyau où se trouvent les deux derniers pillards, il y a deux zones, vous n'entendez étonnamment plus de bruit d'insultes ou de menaces. Ah, à mon avis, ils nous ont peut-être entendus. Bah... On va faire gaffe. Ouais. À la rigueur, je passe en premier, discrètement. Ouais. Je t'invite à faire un test de discrétion. Alors, je vais utiliser... Alors, comment ça marche pour utiliser du Metal Factor, justement? C'est vu que j'ai que 4 en discrétion. Le Metal Factor n'est utilisable qu'avec les caractéristiques qui sont en rouge. Ah, donc discrétion, c'est mort. Discrétion. Puisque le Metal Factor, c'est une représentation de la violence, en fait. C'est que tu fais acte de violence. Voilà, se déplacer. Mais on n'avait pas des poules de dés à prendre, sinon. Voilà. Après, c'est avec des overdrive ou d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, ça va dépendre de tes... si tu veux avoir des bonus supplémentaires, c'est tes qualités et tes défauts. À moins que tu aies... J'ai rien pour la discrétion. De manière spécifique. Ça va se faire tout simplement avec tes compétences naturelles. Ok. Donc, sois discret. Hop. Les doigts. Bon, c'est pas mal, non, non. Deux succès. C'est pas... C'était pas ça qu'il fallait faire. On va voir ça. Bon, on va voir par rapport à leur... Regarde, ça passe bien. Il a fait un succès, mais ça ne suffira pas. Bah écoute, alors que tu progresses, tu vois... accroupi derrière le chariot de minerai, tu vois un pillard avec son arme qui est pointée vers l'entrée. Donc, comme tu longes le boyau, il t'a pas remarqué. Donc si tu veux te rapprocher, tu peux te rapprocher. Tu pourras pas le prendre forcément par surprise, mais si tu souhaites l'engager au corps à corps en lui sautant dessus, tu peux. Ok, bah je vais faire des signes en fin de compte, hein, à mes compagnons. Faire, Moi je pointe dans la direction qui m'a montré, mais je vais pas bouger en attendant. Ok. Là c'est chouing. Et moi je vais. Bah, ce que je vais faire, ouais, je vais m'approcher d'un chariot déjà dans un premier temps. J'aimerais repérer le second en fait. Parce que si que je, mets, si je m'expose. Alors, vous allez faire un test de vigilance. Alors, vigilance, c'est. Qui est d'une difficulté, de 3. Je suis très très vigilant. Je suis moyennement vigilant. Oui, c'est où vigilant, je suis même plus. C'est un droit de perception. Dans perception, tout en bas. Sous la discrétion. Ah oui. Eh bien, moi je suis. Très vigilant aussi. Vigilant voilà. Également. C'est moi qui le suis. Prévenu, donc on est là. Voilà. Eh bien, Bulette et Al, vous discernez le deuxième pillard qui, tout simplement, en fait, lui, il s'est accroché, en fait, dans une crevasse du boyau, un petit peu en hauteur, et il est en train d'attendre avec une espèce de grosse hache à la main pour voir si quelqu'un approche, notamment de son camarade, pour lui sauter dessus. Donc, il est planqué. Bah nous du coup, je te renvoie l'appareil en te disant, en te montrant du doigt à peu près où il se situe. Mouvement genre, tu coupes un peu le... La gorge et tu montes vers le haut. C'est lui faire comprendre. Danger au-dessus. Au-dessus de ta tête. Là. Là. Après on s'approche, regarde, on prend le bras. Là. T'imagines? Non. Excusez-nous les gars. Là-haut. Okay, sabre vers merci. Le haut, tu sais, tu fais ça, il se passe pas sur son sabre. Ah, bah je pense que, bah, du coup, je vais engager celui qui est planqué derrière le wagonnet. Okay. Au moment où je le vois s'élancer, j'essaie de tirer sur le mec au-dessus, parce que si je la... Ouais, bien sûr. Tous ensemble, je pense que moi je tire en même temps. Tu tires sur lequel, toi, Belette? En fait, je vais tirer sur le même, je pense que... Celui qui est en embuscade. Voilà, embuscade, on va tirer sur, sur la même personne. Eh bien, allez-y. Voilà. Donc faites votre jet, donc où des points rares pour le plaisir. Mais... Là, il va vous falloir. Il faut qu'on les claque avant. Il faut pas que ce soit utilisé après. Et quoi? Les points de Metal Factor. Ouais, faut les annoncer avant. Je vais en... voir comment ça s'utilise du coup. Donc, comment on en a de base? Là, en début de partie, vous les aviez tous. Donc en fait, vous avez votre pool complet donc à 50. D'accord. Ok. En termes de dépenses, la manière de le faire, donc c'est que tu peux pas en dépenser plus que ce que tu as dans ta compétence. Donc pas okay. Le total, hein, uniquement ton score de compétence. Donc en mêlée. Si par exemple t'as 4 en mêlée, tu peux pas en utiliser 5 de plus. T'es bloqué à 4, sinon il faut utiliser le Lord Rive. Donc encore autre chose pour dépasser cette limite, ce qui t'évite d'avoir un jet de dé à 25D. Ok. Tout simplement, tu rentres dans Metal Factor utilisé, tu mets le nombre que t'en as, que tu souhaites en utiliser. Mm-hmm. Et tu fais ton jet de dé classique, ça va te les ajouter, et après il faudra juste que tu remettes ton score à 0. Tout simplement. Bah, pour le fun, je vais en utiliser 2. Voilà, et comme puis t'es humain, coup, je vais faire manger de mes... Oui. Voilà, juste moi, ce que je sais, c'est que comme vous êtes des humains, en fait, vous m'en donnez toujours un de moi. Donc en fait, au lieu de me donner 2 dés, tu m'en donnes qu'un. Mais tu si j'en utilise un, t'en as pas. Tu peux pas en utiliser un. Ah, bah comme voilà. T'es humain, tu peux pas en utiliser un. T'es obligé de m'en donner un, quoi qu'il arrive. Ah bah j'ai peut-être bien fait de l'utiliser. Finalement, oui. Vas-y, j'ai pas fait, j'ai fou ouf. Ouais. En effet. Hop. Alors, quant à ton camarade, quand il se défend, 1-1, donc ça fait une égalité. Égalité, c'est toujours en faveur de l'attaquant. Tu le blesses, mais sans succès excédentaire. Cependant, Bah, tu vas le chat, donc tu lui fonces dessus, tu lui sautes dessus. À la différence des pillards qui se trouvaient en ville, ceux-ci, ils sont équipés de plastron. Donc ton sabre va le blesser, mais tu vas pas le mettre hors combat d'un coup. Mmh. Okay. Ok. Tout simplement. Hop. Moi, je vais juste monter ça. Voilà. Et quant à vous, messieurs, vos tirs ont atterri dans le boyau, puisque étant à moitié protégé, en fait, en entendant la première détonation qui a loupé, il s'est cloîtré, il s'est prostré dans le boyau, et vous avez atterri dans le mur. Donc, test de... Sont pas sur Bart, ça nous va. Bah, test oui, de tactique. Quel test on peut faire? Tactique. Donc, à savoir, est-ce que vous vous ralliez à quelqu'un? Est-ce que vous faites chacun un test? Oui, ce serait plus pratique de se rallier à quelqu'un. Bah, voilà. Non, ça, c'est je le fais. Bah, allez, vas-y. Ouais, vas-y, c'est toi qui a lancé l'assaut. Ça y est, le chef, il est dans le plat. Ça y est. Bah, c'est à vous. Il a un adversaire à sa taille, il est au tackle. Donc, c'est à vous de jouer. Bah, moi, je vais réattaquer. Allez, donc ça me teste en position. Billy Bob, là. Du coup. Bah. Oh, mais c'est quoi ça, j'ai... Bon, j'ai fait deux succès de nouveau. Un de plus que lui. Bon, donc je le remets, quoi. Hop, donc vous faites. Après, moi, j'ai systématiquement un avantage, hein, parce que comme je suis gaucher, tous les tests de mêlée, sauf lorsqu'il se bat contre un gaucher, c'est... le personnage bénéficie de PMF. Pour tous les tests de mêlée. Alors, PMF, qu'est-ce que c'est? C'est un PMF mineur, de toute façon, c'est-à-dire que tu peux relancer un de tes succès. Dans pour espérer avoir un deuxième succès. Exactement. Ok, mais c'est, si je loupe, c'est pas grave? Non, non, en fait, c'est que t'as un des bonus, tout simplement. T'as un des bonus, donc t'as fait. Ouais. Ah bah non, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il m'en a relancé deux. J'ai parce, parce que toi c'est un PMF mineur. Et là en fait, ce qui est configuré c'est un PMF majeur. Donc ça relance en fait tout est succès. D'accord, ok. Mais on prend que le premier voilà. Et puis voilà. Ok. Ouais. Exactement. Bon. Donc, ça change rien finalement. Ça change rien. Ok, bah écoute, tu l'as reblessé. Et ensuite entre Al et Belette. Bah, vous êtes en train de vous battre. Vous derrière. Vas-y, c'est toi qui as le plus en tactique, Belette. Quant à l'autre, il s'est caché, il s'est cloîtré derrière son couvert. Donc vous pouvez toujours essayer de lui tirer dessus. Cependant, vu qu'il est à couvert, ça sera TD. Donc très difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a que les 6 pour le toucher. Donc là, on n'a plus besoin de faire de tactique, on a juste à tirer, c'est tout. Ah oui, la tactique, c'est juste pour donner l'initiative du groupe. Okay, donc c'est juste au début pour l'initiative, ouais. Bah, j'ai juste tiré sur... Bah, je vais retirer sur lui, hein, avec mon arme d'épaule. Donc c'est TD. Donc je clique sur TD et je tire avec l'épaule. Et tu tiens. Oh, c'est pas mal. Il faut... Oh bah, tu fais quand même de succès. De succès. Donc comme il en faut 4 pour toucher pour toucher vu que vous êtes à distance. Ah merde, tant pis. C'est très très difficile. C'est très très difficile. Hein. Va falloir que pour l'instant moi, il peut pas laisser, bouger. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est un tir de suppression quoi à ce niveau-là. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc de là où vous êtes, ça va être difficile. Al, si tu veux rester dans cette position, tu peux, sinon tu peux te rapprocher. Ah non, justement. Moi j'en profitais pour aller m'avancer, enfin pour me déplacer du coup un peu en avant pour prendre une position de côté par rapport au pirate qui est en train d'affronter Bart et lui décocher une balle, un tir de pistolet laser pour s'en débarrasser au plus vite. Ok, alors comme ton camarade est engagé au corps à corps et que c'est pas statique, mm-hmm. tu risques, si tu loupes ton tir, de toucher ton ennemi. C'est pas grave, parce que j'ai utilisé des points de Metal Factor moi aussi. Parce qu'en plus, je suis violent. Et du coup, si j'en utilise un, bah, je gagne un gratuitement. Qui n'est pas donné au MJ. Ouais, mais t'es obligé d'en utiliser deux. Pourquoi deux? Tu peux deux pas minimum, en fait en utiliser deux. Le minimum, c'est deux. Parce que comme en fait, tu m'en redonnes toujours que un. Je peux pas en gagner 0. Si t'en utilises un, si tu veux, ça veut dire que oui, j'en ai... Oui, c'est ça, mais oui, c'est un en plus gratuit, mais j'en utiliserai effectivement deux dans le compte. Ouais. Oui, t'inquiète. Donc ça t'en fait 3. Si j'en utilise au moins un, et du coup, j'en ai un deuxième en plus. Mais c'est pas, j'en ai un gratuit. Donc ça t'en fait 3. Donc ça m'en fait pas. Si je... Alors je peux m'aller jusqu'à 4. Enfin, oui, non, la question c'est est-ce que je peux aller jusqu'à 4 en dépassant mon limite avec ça ou pas. Donc c'est 3, donc j'utilise. Tu peux multiplier ta compétence par 2. Du coup, bah, je vais utiliser 3 aussi, et utiliser 2D. Enfin, du coup, j'utilise 2D plus le gratuit, donc ça fait 3. C'est mon score de... d'armes de poing. Ouais. Pour tirer du coup sur, sur le monsieur en, en pleine danse des lames avec, avec Bart. Voilà. Allez, donc 4 succès. 7 succès, très bien. On t'a utilisé, hein, je veux dire. Bah oui, non, bah oui. C'est là pour ça. Donc ça fait 3 succès excédentaires. C'est 2 dégâts légers que j'ai sur mon pistolet. Donc ça fait 5 à lui. En pleine barre de moi, presque. Ouf. Ah, ouais, surtout qu'il était déjà blessé. Il a pris cher. Sûrement, c'est ça. J'ai lancé de l'action. Hein. Bah écoute, tu commences, il commence à, avec ce tir de pistolet dans le dos. Ça commence à bien l'amocher et il crache un peu de sang devant lui. Donc lui en fait, il a tout simplement une baïonnette au bout de son fusil. C'est avec ça qu'il est en train de se défendre contre Bart. D'ailleurs, Bart, je t'invite à refaire un test de mêlée, oui. Puisque c'est une passe d'armes. Ouh, il fait 3 succès. Mais ils sont un peu nuls en fait. Il a 2, il y a le 4 aussi. Et encore, ils sont meilleurs que ceux qu'on a affrontés en ville. Ah oui, j'ai pas de chance, je crois aussi. Ouais. Donc, du coup, ça te fait un succès excédentaire, Bart. Et j'ai toujours mon PMF que je peux relancer. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça m'en fait 1 en plus. Donc ça me fait 4 succès en tout. Ça te fait 2 succès excédentaires. Donc ça te fait 2 plus 2 pour les dégâts. Avec mon sabre. Ça te fait 4. Et bah écoute, c'est merveilleux. Avec cette dernière passe d'armes, tu vas pouvoir transpercer ton adversaire. Cependant, au même moment, il y en a un autre qui va vous bondir dessus. On va en profiter. Exactement. Le lâche. Oh, si peu. Mais je comprends. Pour abattre Bart le Noir, il faut au moins être un lâche. Allez. Ah, il est un peu meilleur quand même, c'est ceci. Ouais. Et je refais un jet de mêlée du coup ou... Non, c'est pas toi qui va le faire, c'est Al. Ah, je pensais pas mettre avancé en mêlée, mais c'est pas grave. Tu t'es pas avancé pour la mêlée de lui, c'est lui qui accroche dans les hauteurs en fait. Il va te sauter dessus et il fait sa charge. Ah, ok, d'accord. Aïe. Que 2 succès, donc je prends quand même une blessure. Exactement. Donc Al, alors que tu viens de tirer ton blaster et que tu vois la fin de l'échange avec Bart, en fait, il y a une espèce de mouvement d'air et quand tu tournes la tête, tu vois tout simplement que celui qui était accroché dans les hauteurs s'est jeté dans ta direction avec sa hache à la main. Il va te blesser et il va t'infliger 3 dégâts graves. Donc j'ai un truc de protection. Enfin, j'ai des protecteurs, voilà. Donc du coup ça remonte à léger, c'est ça? Exactement. S'il y a 1, c'est que ça réduit de L à G à U. Donc tu prends 3 légers. Ça chatouille. Un peu beaucoup. Et c'est à nouveau à vous, dans l'ordre que vous voulez, comme toujours. Bah là j'ai envie de dire vous êtes au contact. Moi je suis un peu plus loin c'est et ça. Je peux pas tirer dans la mêlée quoi, sinon je pourrais vous toucher ou quoi, donc je vous laisse d'abord agir et puis en fonction j'agirai. Bah vas-y Al, il est sur toi si jamais tu veux réagir et puis moi je viendrai en tout cas te. Je crois pas qu'il y ait de... Je sais plus s'il y a un désavantage d'utiliser une arme de distance en mêlée. Il y en a pas là dans le cas par rapport à la situation ou à la découverte, tout ça, il n'y aura pas particulièrement de désavantage, si ce n'est que le fait d'utiliser ton arme, en fait, c'est que tu vas lui autoriser de comme une passe d'arme, en fait, tu vas fonctionner en passe d'arme. Donc lui il va utiliser sa mêlée. Contre mon attaque à distance. Voilà. Puisqu'il peut De toute manière, vaut mieux que j'utilise mon attaque à distance, c'est moins de chance de me faire avoir. Ouais. Pousser ta main, etc. Vous êtes considéré comme au corps à corps, ouais, parce que toi, tu lis son pistolet. Oh là là. Et en fait, on est tombé sur le chef. Ouais. Ah bah c'est la chance inversée. C'est le Bart d'en face. Donc ça, il fait 3 succès excédentaires. Ça fait que tu prends 5 G. Je passais en blessure grave déjà. Donc 5 L. Alors. Bah, il te met un bon coup de hache qui abîme particulièrement ton plastron et qui te laisse un peu choqué. Donc en blessure grave. Donc là, c'est plus les égratignures, on est quand même avec des bonnes estafilades, on commence à bien saigner. Quand on est en blessure grave, on ne peut plus utiliser que des dés de Metal Factor. T'es obligé de faire appel à la violence pour agir, parce que t'es trop blessé, en fait. D'accord. Donc, dès que tu voudras faire des jets, tu seras obligé d'utiliser du MF. Ouais. J'ai aussi violent, donc... Vous êtes des humains, donc vous êtes tous violents. D'accord, ok. Tous violents, oui. Non, ouais. C'est plutôt intéressant d'utiliser au moins à chaque fois. Ouais, donc, tout à fait. Bah, moi, je vais voir rouge, hein, là, parce que s'il a blessé assez gravement Al, hein, donc ça va être Metal Factor, donc bah, je vais lui foncer dessus en mêlée. Hein, et du coup, je pense que je vais en utiliser parce que. Je peux en utiliser 3, ça t'en fait qu'un. Si j'en utilise 4, ça t'en fait... Si t'en utilises 4, ça m'en fait 3. Moins 1. Pour mon... Toujours moins 1. Ouais, mais moins 1 encore pour mon violent. Non, c'est ça, la règle du violent, c'est ça, en fait. C'est le fait que les humains, quand ils utilisent du Metal Factor, j'en prends un. D'accord, ok, tu l'avais déjà compté, ça. Ah ouais, c'est la règle de base. Ok, ça marche. Écoute, hein, je vais en utiliser 3, voilà, hein, parce que ça fait pas du mal à Al sans que je réagisse. Ouais, il est vénère, là. Ouais, il est vénère. Je refais. Et ça me fait, du coup, 7 succès. Ah bien, bah 7 face à 3, ça te fait 4 succès excédentaires. Ah, donc, bah, je lui fais 6 de dégâts. Donc, 6 graves. Qui tape dans son armure, mais qui lui font relativement mal. Quand même. C'est le genre d'attaque fulgurante qui pourrait l'armure mettre à bas n'importe quelle personne déjà bien, bien costaud. Donc, Al, tu es soutenu par Bart. Apparemment, Belette te laisse le. Donc, t'as déjà joué en premier. Bart, donc c'est auto-Belette. Maintenant, ils sont deux au corps à corps et vu la. Diamètre du boyau, impossible pour toi de tirer dans la mêlée. Alors en termes de distance, est-ce que je pourrais tenter de rusher et en gros comme charge, si je voulais je le charge. Ouais, je le charge et genre je le percute en fait. Alors tu peux essayer de effectivement le bousculer. Si tu fais ça, il faut que tu choisisses entre Al et Bart. Lequel des deux tu bouscules, puisqu'en fait vous allez pouvoir être que deux contre lui. Vous allez jamais pouvoir être trois. Et ben dans ce cas-là, je vais bousculer Al pour l'écarter un petit peu du combat en fait. Mais genre bousculer gentiment, je vais pas non plus. tu te mets entre lui et Al quoi. Ouais, tu t'insères. Ouais voilà, c'est vraiment je cours et dans la course, ben en fait je tu fais ton test de mêlée. John Cena. Est-ce que je pourrais pas utiliser, du coup, un peu de Metal Factor? Ah bah, vas-y, hein. Tant qu'à faire, je vais en utiliser 2. Donc là, en gros, il faut que je mette dans le Metal Factor utiliser, je mets... 2, c'est ça? Tu mets 2, ouais, c'est ça. Ouais. Tu mets 2 et tu cliques sur ta compétence. Ok. Voilà. On est là pour découvrir, donc. Ah bah, t'as bien fait. Mmh. Bah, écoute, très bien, ça fait un succès excédentaire. Voilà. Donc, un succès excédentaire plus tes 2, donc ça fait 3G. Voilà. Donc, c'est vraiment genre, j'arrive et je chope le gars comme un footballeur de football américain arrive à lancer. Je l'explose contre le mur, enfin en gros une des parois du boyau. Yes. Voilà. Bah écoute, tu l'as projeté contre une paroi, donc il a rebondi un petit peu dessus hein, pour revenir devant vous. Donc vous vous retrouvez avec Bart côte à côte face à ce pillard qui effectivement, maintenant que toutes les poussières de minerais qui volaient commencent plus ou moins à retomber, vous voyez que c'est un pillard qui a une stature plus imposante que celle de ses camarades. Mmh. Et lui aussi est équipé avec un espèce de plastron métallique rafistolé avec un tas de pointes et avec son énorme hache à double lame dans les mains. Il a un regard complètement dément, il a la peau percée avec des espèces de scarifications étranges sur le visage et il vous adresse un sourire avec ses dents qui ont été limées en pointe avant de vous attaquer à son tour. Comme c'est toi, Belette, qui vient de le frapper, lui, il va faire une passe d'armes avec toi. Enfin, il va commencer avec toi, de toute façon. Mm-hmm. Et donc, tu peux faire un test de mêlée, si tu le souhaites, pour te défendre. Ah bah, un petit peu, ouais. Surtout 5 succès, hein, c'est... Ah non, attends. J'ai pas... Ah, t'avais laissé les métal facteurs. J'ai oublié le... Ouais. Attends, je vais l'enlever et je vais le refaire. Parce que... J'avais oublié d'enlever. Alors, est-ce que tu utilises du métal facteur? Non, j'allais pas le faire. Bah, honnêtement, j'allais. Il a pas besoin. J'allais pas le faire. Honnêtement, j'allais pas le faire de toute façon. Donc. Ok. Donc comme à chaque fois, on est sur un peu. Il a fait. Moi, j'ai fait 4, c'est ça. 4 succès, lui 5. Ouais, Belette a fait 5. Donc ça fait un succès accidentaire. Ça fait 3. 3G, il me semble. Ok. Si c'est en sable, oui, c'est du 2G de base. Ouais, c'est ça. Allez, c'est à... Bah écoute, dans cet échange-là, tu ripostes et tu le blesses. Et c'est à vous, messieurs. Bah vas-y, hein, continue, hein. T'as la passe gagnante, hein. Ouais, bah écoute, je vais continuer. Alors, je vais pas forcément rajouter de métal factor. Je continue. Bon, dans... bah je pense qu'on est à 2 contre 1, ça devrait aller, même s'il est un peu plus costaud. Je l'ai déjà bien entamé, en plus. Et vraiment bah, me défouler sur lui hein, au maximum. Voilà, je suis vénère. Fallait pas me vénère, je vous l'ai dit, hein, faut pas me chercher moi. Il fait des bons jets, hein. Mais tu gagnes quand même. Ça fait 4, hein, ça fait 8, c'est à toi, Bart, si tu veux. Il est pas à terre. Moi, ça va être bien blessé. Et, il n'est toujours pas à terre. Oh là, si. Hop, je leur fais mon PMF. Ouais, du coup, j'en fais 5. Ah bah, comme lui. Bah, c'est parfait, donc, puisque c'est toujours c'est toi qui l'avantage attaque. À l'attaquant. Ouais. Donc, ça fait... Ah bah, je fais 2. Exactement, on passe à ça. Ok, super. Al. Bah, Al... Pardon. Je sais pas trop quoi faire en fait, parce que il y a pas la place de combattre à 3 de là, de front, de ce que j'ai compris. Non, tu peux repasser devant un de tes camarades pour l'attaquer. Si ouais, tu alors, vu mon état, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que je suis moins bon. Tu nous encourages. Allez. Ouais, je peux pas essayer genre de tirer. Bah, c'est vrai que je suis blessé grave, donc je vais pas forcément non plus faire des folies. Tu peux pas te soigner. Il peut pas genre un peu te rafistoler toi-même. J'ai aucune compétence en médecine de toute manière, donc c'est difficile. T'as pas de premier soin ? Après là, il lui en reste plus. Il en reste plus qu'un. Il reste plus qu'un. L'autre pillard est sur le sol. Il a été transpercé aussi, donc il est. Je vais pas essayer de profiter justement du fait que lui soit mort pour contourner mes copains et me retrouver derrière le. Non, ils prennent toute la place en fait. Vous faites chier, vous êtes gros les gars. Bah repose-toi sur nous. Au pire. Ouais, je peux pas tenter une manœuvre de je me mets en position pour essayer de trouver une occasion. Tu l'attaques ou. Si, alors tu peux essayer. Si, bien sûr, ça tu peux rester dans l'attente en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre donc, au niveau des. Du combat, donc si on rentre dans le détail des règles, chaque fois que vous êtes. Vous devez jouer, vous avez droit à une action qui est dite complexe, comment attaquer, une action simple, comme par exemple faire un petit mouvement, ou bien une autre action simple, c'est viser, et vous avez un nombre plutôt indéfini, on va dire, d'actions gratuites, c'est dire un petit mot, quelque chose comme ça, voilà. Soupirer, Voilà. Donc là, dans ce que tu me dis, si on prend du point de vue de Rex, ça serait de dire bah, que tu prends ton action simple pour viser et ton action complexe pour retarder un petit peu ton tour en essayant de voir si tu as une opportunité, bah, tu pourras tirer. Et si tu n'as pas d'opportunité, bah, tu vas attendre, tout simplement. Non, mais c'est ce que je vais faire, du coup. Je vais prendre mon pistolet, mettre un peu en stand-by le temps de trouver une fenêtre de tir, donc viser, et au moment voilà. Où il se retrouve à attaquer, essayer d'en profiter pour le décocher du coup un tir de pistolet. Exactement. En sachant que quand on vise, ça te permet de gagner un dé supplémentaire à ton prochain test de tir ou d'attaque. D'accord. De toute façon, il faudrait forcément que j'utilise un des Metal Factor. Mais... Mmh. Ça veut dire qu'il va passer faire mal celui-ci. Hein. Non, et... voilà. Du coup, j'attends la prochaine attaque de. C'est à lui. C'est à lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer Bart parce que c'est le dernier là blessé. Tout simplement, donc avec un test de mêlée. Hop, je fais 5. 5, 6. Non, 6, non, 5, pardon. Non, non, bah non, parce que on prend le premier dé. Ah, on avait dit. Toujours, non, voilà, donc 5. Allez, 5 succès. Donc ça fait 1 excédentaire. Et ben écoute, tu l'as bien blessé. Et c'est à vous. Il est. Il est vraiment. Bah, vas-y, hein. Est-ce que c'est pas la rigueur entre temps? On peut faire un bond tous les deux en même temps en arrière pour laisser l'opportunité à Al de tirer. Et peut-être de le finir en plus. Genre avec le regard, tu sais qu'il y a en arrière. C'est ça, tu vois. Connard. En fin de compte, et hop, on fait un bond en arrière laissant à Al l'opportunité et de tirer. Et je m'accroupis. Allez, très bien. Donc, Al, bah, tu peux tirer. Si ça passe pas, j'ai le droit de pleurer quand même. Donc t'as plus un dé parce que tu vises et Metal Factor. J'ai mis des Metal Factor aussi. Oh là là. Oh le jet tout nul. Alors si tu veux t'as droit à un dé de plus parce qu'il t'aide avec un petit tous ensemble. Du coup je rejette un jet à l'arrache. Ouais. Alors, un générique. Et... Ah le premier passe. Eh bien écoute, ça fait pile ce qu'il faut. D'écoute, tes camarades s'écartent et tu vas pouvoir vers ce fameux tir salvateur qui va abattre la bête et sans s'effondrer face contre terre dans le boyau, dans la poussière. Votre équipe. C'est ça. C'est un long souffle derrière, un soupir. Ah, bordel. Ça pique sa mère. Est-ce que je peux... Alors, j'ai pas grand-chose, mais bon... Combien, toi? Je suis travailler à essayer de retirer mon petit jet de protection endommagé. Et... En premier soin, t'as quoi J'ai 3. J'ai 4, moi, au pire. Bah, vas-y, tente. Hein, Attends, je vais stabiliser. On peut pas faire plus mal que... Je lui arrache des trucs. Je tente, j'arrive vers lui. Ah, merde, c'était à toi, ça. Et je vais essayer de voir si je peux pas bricoler un truc pour qu'il soit un peu mieux. Bricoler, non, c'est un homme. Ah bah, tu fais 2 succès. Bah, je pense au moins peut-être lui mettre un petit bandage. Oui, voilà, pour essayer de le stabiliser, quoi. Si ça peut l'aider. Ah. Oui, bah je suis pas en train de me vider de mon sang non plus. Hein, mais... enfin, un petit peu, non, non, non, mais je veux dire que t'es plus du handicap par rapport à ce que tu veux faire après, quoi. Bah, pour marcher. Oui, voilà, après, voilà, juste peut-être stabiliser au moins les blessures graves. Voilà, c'est ouais, ça. Que exactement. Je puisse effectivement me défendre un peu plus dur. Alors, qu'est-ce que ça fait de succès sur du premier soin? Bah, c'est des choses qui sont relativement légères, donc c'est dépendant de plein de choses. Alors, les soins, ça va être dépendant à la fois de l'environnement dans lequel tu fais tes soins. Ouais. Bon, si on rentre dans le détail, là, on va le faire très simplement. Donc, tu vas juste lui stabiliser ses blessures graves pour qu'il revienne en état de santé léger. Oui. Simplement. Mais sinon, normalement, tu lui remets juste une seule blessure grave. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça prend un petit peu de temps. Parce que les blessures graves, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Mmh. C'est ce qui fait que le jeu est assez vite, on va dire, difficile. Ouais. Okay. On peut récupérer des points de vie en buvant du rhum, bien évidemment. Ah bof. Voilà, une bouteille de rhum avanée, ça permet de récupérer de la santé, c'est bien connu. Je l'ai toujours dit. Effectivement, là, on rentre pas dans les détails, mais... T'es dans un endroit qui est pas du tout stérile, qui est pollué, oui, etc. C'est crade, quoi. Donc, c'est pas vraiment, on va dire, le meilleur endroit pour faire ne serait-ce que des premiers soins. Parce qu'effectivement, dans un endroit qui est aussi crade que ça peut, si c'est Les si c'est pas bien infections. fait, ça peut, ouais, ça peut aggraver la situation. Ne serait-ce que sortir, en fait, sur une zone qui est un peu moins pourrie. À la guerre Voilà, comme à la guerre, mon chef. tu stabilises. Donc, ça a permis, en tout cas, quelques bandages à rafistoler Hal pour qu'il tienne le choc. Et vous entendez du bruit en quittant le boyau. Vous regardez autour de vous déjà les prisonniers ont fui, bien évidemment. Et quand vous regagnez en fait la zone principale, la galerie, vous voyez qu'ils se sont rassemblés à l'extérieur, en fait, au niveau du chemin du gouffre, en fait. Ils ont rejoint le gouffre. Oui. Et ils ont commencé à se rassembler pour visiblement quitter les lieux. Du coup, on n'a pas trouvé d'artefact ou autre, on n'a pas vu d'artefact qui pourrait Non, correspondre à notre on n'a marchandise. pas tout vu, quoi. C'est ça. Il n'y Peut-être avait pas. pas le véhicule là, de transport qui avait à l'entrée, il n'y avait rien à l'arrière. On n'a pas regardé. L'atmo, il est vide. Il y avait rien du D'accord. tout sur lui. Il y avait juste à côté de l'atmo un conteneur qui était vide, lui aussi, donc à remplir. Et le gouffre, il continue à descendre. Ah bah faut qu'on y aille alors, on n'a pas le choix. C'est ça. On va continuer de fouiller le Bah gouffre, continue hein. hein. Tout en faisant Je sais pas attention. après s'il y a un des esclaves, enfin un des mineurs là qui comprend ma langue, à l'arrière je leur explique hein, la situation. Et que Visiblement, il n'y en a bah. aucun qui comprend ce que tu lui dis. Cependant, Après si. Oui, vas-y. en fait, si tu commences à parler, et tu commences à parler, à essayer d'échanger avec eux, eux, ils parlent entre eux. Donc sur la vingtaine d'esclaves, il y en a une dizaine qui s'en va. Et il y en a l'autre moitié, en fait, qui reste au niveau de la galerie. Et celui, en fait, avec qui tu échangeais, il lève ses mains vers toi, donc paume des mains orientées dans ta direction. Et il tapote le sol avec un de ses index. Et il montre les autres prisonniers qui sont derrière lui, et il retapote le sol. Il y en aurait en bas encore. Lui, il fait ça, et donc sur les 20 esclaves, il y en a 10 qui s'en vont, et il y a ce groupe de 10 qui reste là. Bah ouais, donc ils disent qu'ils vont rester là, je pense, pour surveiller ou autre. En tout cas, ouais, bah nous on va Alors on va explorer, vite hein. prendre, de toute façon on n'a pas le choix, de toute façon il n'y a rien d'autre que ça. Donc... C'est ça, hein. Donc vous descendez, vous suivez le rail métallique. Il y a une deuxième galerie un peu plus bas. Vous commencez à regarder dans les boyaux, il n'y a rien, si ce n'est encore des zones avec des chariots et du minerai non raffiné. Vous revenez dans le gouffre, vous descendez, il y a un troisième tunnel, une troisième entrée de galerie. Cependant, après une dizaine de mètres, l'entrée elle est bloquée. Il y a un muret, visiblement, qui scelle le tunnel. Il faut le péter, quoi. Bah, je vais regarder, il y a peut-être il y a peut-être un moyen de l'ouvrir ou autre, je sais pas. Les outils qui se trouvent dans les galeries au-dessus. Sinon, il faut des explosifs. Les explosifs, on en a pas. Enfin, je regarde Hal. Merde, on n'a pas Zoltan. Là, je vous donne le Ah non, c'est toi qui fais. clic. Et là, vous voyez deux. Je me sortir deux grenades. Oui, c'est toi qui fais. Pour une fois, ça fait plaisir. Ah bah, c'est vrai, c'est toi qui fais. On fait pas trop de dégâts non plus. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète. C'est toi qui fais tout péter. Du coup, Moi, je je vais meurs quand quand même même pas prendre le mal, temps hein. de faire mon travail proprement, c'est-à-dire analyser un peu où on se trouve, la structure un peu de la caverne, ce qu'il faudrait comme explosif pour essayer de pas tout faire sauter. Enfin voilà, T'étais plutôt bien. T'étais plutôt bien avec ton estimation. Donc j'ai profité pour attacher rapidement avec 2-3 trucs qui traînent, un peu de fil de fer qui traîne sur moi, etc. Faire une petite micro-bombinette. Eh bien, moi je vais te laisser faire un test de démolition, s'il te plaît. Parce que comme c'est un test de Moi démolition, pour une fois j'ai je peux m'en reculé, servir au hein. moins une fois. Je mets 2 dés de. Enfin je mets un dé de Metal Factor, du coup un deuxième qui s'applique. Je Oh là suis là. recul, j'ai reculé, hein. Mais au secours. C'est terrible. Allez, moi je note tout ça. Eh ben écoute, ça va. Tu fais un trou avec le Metal Factor que tu as rajouté, ça te permet de faire un trou assez énorme. C'est-à-dire que tu fais exploser complètement le muret en fait qui bloquait l'accès à la galerie. Tu perfores une partie de la galerie, ce qui agrandit un petit peu l'espace à ce niveau-là. Pourtant, tu ne la fais pas s'effondrer. Tu as eu de la chance. Ouais, bah, vu mon jet, oui, j'ai eu de la chance, ouais, putain. Et ça débouche en fait sur ce qui semble en fait un couloir creusé. C'est-à-dire qu'il y a la galerie qui est un petit peu brute, mais à peine à 5-6 mètres après la galerie, les murs commencent à être un peu plus aplanis, un peu plus travaillés, et vous avez une espèce de couloir. Après 5 minutes de marche dans les ténèbres, vous descendez une série de petites marches qui s'ouvrent sur une vaste salle circulaire d'au moins 100 mètres de diamètre. Il y a une espèce de puits de lumière. Alors, il ne descend pas de manière complètement verticale. Ça a l'air d'être plutôt des aérations. Et donc la lumière, très certainement des lunes extérieures. Vous ne savez pas trop comment ça peut arriver. En tout cas, des jeux de réflexion. Et vous arrivez à discerner effectivement la salle. Une grande salle circulaire d'au moins 100 mètres de diamètre. Le plafond est si haut qu'il se perd dans l'obscurité. Et la salle, vous avez l'impression qu'elle est construite sur des colonnes et des ponts de pierre qui forment une espèce d'entrelacs assez complexe et stylisé. Certains ponts sont effondrés depuis longtemps, mais ce qui va attirer votre regard, c'est le centre de la pièce. Donc vous voyez y converger plusieurs passerelles, donc toujours en pierre, jusqu'à une stèle qui, elle, est parfaitement lisse. Et vous avez l'impression presque qu'elle lévite dans les airs. Elle est uniquement connectée à la salle par les petits ponts qui la relient. Donc, sur le centre de cette stèle s'élève une immense et imposante statue faite d'une pierre noire qui absorbe toute lumière. Ça représente une sorte de créature insectoïde à 8 pattes repliée sur elle-même. À plusieurs coins de la grande salle, vous avez des tours de pierre ainsi que d'autres décorations qui ornent les murs. Et vous avez du mal à les distinguer depuis votre position et sans trop plus de lumière. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, virer encore matelot. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, virer encore matelot. Hardy les gars, l'ancré dans les fonds, Hardy les gars, maillon par maillon, Hardy les gars, nous l'arracherons, les gars, si nous virons. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, virer encore matelot. C'est pas le moment, les gars, d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars, faut virer tous. Encore.